Chapitre 6. Transition. Maître Blaise. Si Boron n'avait fait que suivre la tradition généralement répandue de son temps sur la conception, la naissance et les facultés célestos-infernales de Merlin, il n'aurait pas eu besoin de chercher un garant de la vérité de son récit. Il lui eût suffi de dire « cela se trouve dans le Saint Graal ou dans le Brut ». Mais, comme il ajoutait beaucoup de lui-même à ce qu'on savait déjà du prophète, il se crut obligé d'introduire un grave personnage, confident des secrets de Merlin. Il aurait été non seulement chargé d'écrire ce que le devin viendrait lui raconter de ses œuvres, il devait encore réunir ses dictées à l'histoire de Joseph d'Arimathie et du Graal. Le rôle de Blaise nous semble aujourd'hui puéril, et peut-être les contemporains de Boron n'y furent-ils pas trompés plus que nous. Mais Boron ne l'aurait pas introduit s'il eût trouvé la source des aventures et des récits de son Merlin dans le Saint Graal ou dans les traductions du livre de Geoffrey de Monmouth. D'ailleurs, pour apprécier la valeur littéraire du rôle que Blaise remplit, il faut se reporter au XIIe siècle. La première précaution que devait prendre alors le trouveur était de fournir un garant de ses récits et d'indiquer les sources auxquelles il avait puisé. Cet expédient, depuis longtemps employé, fit toujours plus ou moins fortune. Le faux d'Arès avait obtenu plus de crédit que le divin Homère parce qu'il prétendait avoir assisté au siège de Troie. Le faux Callisthène, en se donnant pour le maître et le confident d'Alexandre, avait été écouté aux dépens d'Arien, de Plutarque et de Quintecurse. Le faux Turpin, aumônier de Charlemagne, avait été compté parmi les chroniqueurs les plus sincères. Maintenant, Robert de Boron, après avoir eu pour garant de son Joseph d'Arimathie le grand livre du Graal qu'il n'avait peut-être jamais vu, devait dire également comment s'était conservée la mémoire des faits et gestes de Merlin, qui n'avait rien de commun avec la légende du Graal. Il alla donc au-devant des objections en supposant que Blaise, le confesseur de la mère du prophète, avait, dès les premiers temps, tenu note des actes de Merlin et les avait ajoutés à la légende de Joseph d'Arimathie. Suivons cette importante parenthèse du livre de Merlin. Blaise, avant de consentir à recevoir les confidences du prophète et de les écrire, veut être rassuré sur le danger de servir le fils d'un ange déchu. Merlin lui proteste qu'il est dans les voies de Dieu et qu'il a trouvé grâce devant celui qui connaît le fond des cœurs. « Blaise, ajoute-t-il, je t'apprendrai des choses que Dieu seul et moi pouvons savoir. Tu en feras un livre, et ceux qui plus tard l'entendront deviendront meilleurs et plus éloignés de péché. » Et quand Blaise eut réuni encre et parchemin, Merlin lui conta les amours de Jésus-Christ et de Joseph d'Arimathie, le lignage de Joseph, le nom de ceux qui avaient la garde du Graal, la vocation d'Alain et le départ de Pétrus, la transmission du saint vaisseau de Joseph à Bron, le riche pêcheur. Il lui dit comment, après tout cela, les diables avaient tenu conseil et s'étaient accordés à le faire lui-même entrer dans le monde. Ainsi dit à Mélin cette œuvre et la fit faire à Blaise. « Le livre que tu vas écrire, dit encore Merlin, sera partout reproduit et volontiers entendu. Cependant, il ne sera pas en autorité, attendu que tu n'es pas et ne pourrais être apôtre. Tout ce que les apôtres ont écrit de notre Seigneur, ils l'avaient eux-mêmes vu. Mais tu dois écrire ce que tu n'auras pas vu et ce que je t'aurai seulement rapporté. Tu joindras l'histoire de Joseph d'Arimathie à la mienne, et de ces deux récits tu formeras un seul livre, auquel il ne manquera que les paroles secrètes dites à Joseph d'Arimathie par notre Seigneur Jésus-Christ, et que nul ne doit répéter. Je vais me rendre dans les contrées d'Occident, où me conduiront des messagers venus pour me prendre, parce qu'ils pensent avoir besoin de mon sang. Avant de m'y rejoindre, tu suivras le chemin du Northumberland, où résident ceux qui ont la garde du Graal, et auxquels tu seras un jour réuni en récompense de ta pieuse vie et de l'œuvre que je t'aurai faite accomplir. Or me convient aller en une terre où sites me sont venus caire, et tu y vinras pour accomplir cette œuvre que tu as encommencée. Mais tu n'y vinras pas avec moi, ainsi rapporte-toi, et demandera une terre qui a nom Norumberland. Cette terre est pleine de moult grands forêts, et il a telle partie où nus n'a encore été, et tu en auras bon loyer, et t'œuvre sera toujours mais, tant comme les siècles durera, retraite et volontiers oï. Et sais-tu dont celle grâce vinra? Elle vinra de la grâce que notre sire donna à Joseph. Et quand tu auras bien travaillé pour lui, et pour ses ancêtres, et pour ses biens, et tu auras tant de bonnes œuvres faites, que tu devras être en leur compagnie, je t'enseignerai là où ils seront, et verra les belles saudées que Joseph ôte pour le corps Jésus-Christ qui lui fut donné. Des chrétiens qui avaient été en celle terre, avant la venue de Joseph, ne me convient à retraire, ce nom comme à celle œuvre tient, et qui vous rois oïr compter des rois, qui devant furent, et leur vie vous rois oïr, si regarde dans l'histoire de Bretagne, que l'on appelle Brutus, que messire Martin de Rochester translata de latin en roman où il le trouva, s'il le pourra savoir vraiment. Je ne connais pas d'autre mention de ce Martin de Rochester, émule de Pierre de Langtorff et de notre Vasse. Il faut bien remarquer que si Merlin envoie Blaise dans la contrée où sont retirés les gardiens du Graal, il ne lui donne pas encore moyen de se réunir à eux. Ce bonheur doit être le prix d'une vie de travail et de bonnes œuvres. Ainsi, c'est à Merlin seul que Boron fait ici remonter la dictée, non seulement de son poème de Merlin, mais du poème de Joseph d'Arimathie, car il ne peut avoir entendu parler du roman du Graal en prose que son auteur anonyme donne comme transcrit sur l'original autographe de Jésus-Christ. Quel avait été le lieu de la naissance de Merlin ? Où les messagers de Vortigern viendront-ils le découvrir ? Geoffroy de Monmouth et Giraud de Galles désignent la ville de Caermarthen dans la partie méridionale du pays de Galles. Robert de Boron semble d'une opinion toute différente. D'après son texte, on pourrait proposer la petite Bretagne. En effet, Merlin dit à Blaise « Je serai envoyé Caire vers Occident ». Et chez lui, l'Occident est toujours la Grande-Bretagne. Il n'y était donc pas quand il parlait ainsi. L'Armorique, la France sont pour lui l'Orient. Mais, je le répète, il y a beaucoup de vagues dans cette indication. Toujours est-il qu'en suivant ainsi pas à pas la composition romanesque, on voit s'évanouir ces plans réfléchis, ces théories profondes dont on a fait trop souvent honneur à leurs auteurs. La donnée religieuse représente sans doute quelque tradition nationale liée à la généalogie réelle ou fictive des anciens rois bretons. Mais on ne doit y chercher aucune intention philosophique ou mystique. La seule portée de la légende du Saint Graal fut de donner à la première prédication de l'Évangile dans l'île de Bretagne une origine asiatique et de justifier contre la prétention contraire les formes anciennes de la liturgie bretonne. Mais pour ceux qui, dans les romans de la Table Ronde, se trouvent en dehors de la légende pieuse, on en aperçoit toujours le point de départ dans les traductions de l'Historia Brittonum et dans les anciens lais chantés longtemps avant l'œuvre de Monmouth dans toutes les parties de la France. Robert de Boron, je le répète, n'a pas eu d'autres secours, n'a pas puisé à d'autres sources. Les heureuses additions qu'il a faites au récit populaire sont dues à son imagination, à son génie. La légende, bretonne, galloise ou latine, de Joseph d'Arimathie existait avant son poème. Mais Geoffroy de Monmouth, ayant concentré, pour ainsi dire, l'attention et la curiosité littéraire de son siècle sur les aventures d'Artus et de Merlin, Robert de Boron et ses continuateurs posèrent graduellement sur ce fondement l'édifice enchanté des romans de la Table Ronde et donnèrent à toutes ces créations successives une sorte d'unité en les rattachant à la première donnée religieuse. Ce fut pour eux un moyen d'entrer en matière et de conclure, deux choses fort difficiles et fort embarrassantes dans tous les genres de composition. Mais jamais ces immortels créateurs de la romancerie n'eurent la pensée de fonder un nouveau système d'esthétique sur les ruines de celui qui existait avant eux. J'en demande donc pardon à un écrivain moderne très ingénieux qui, tout en promettant de faire mieux connaître l'esprit et le caractère de nos romans, a réellement grossi les ténèbres qui les environnaient. Non, quoi qu'en ait dit M. Louis Mollan, l'Église ne conçut jamais la chevalerie comme une institution religieuse, un sacerdoce militaire, une prêtrise armée, dont le modèle aurait été la chevalerie de la table ronde. L'Église n'a contribué en rien à la naissance de tous ces héros, et le système militaire de la féodalité s'est formé dans un esprit parfaitement étranger à l'esprit de l'Église et du clergé. Il est surtout plus que douteux que le livre du Saint Graal ait jamais rien eu de commun avec l'ordre des Templiers. Tout cela s'écrit et se répète de notre temps, où la critique veut tout expliquer par un procédé synthétique. Mais rien de tout cela ne soutient la présence des œuvres mêmes auxquelles on le rapporte.